souvenir. J'étais ton numéro pour pouvoir grandir, pour vivre une autre vie, une où tu n'existerais pas, avec d'autres amis qui ne sont pas toi. J'ai rempli mes heures à me préoccuper d'autres gens, à divers labeurs pour tuer mon temps. Toi qui m'oublies si bien, pourquoi viens-tu hanter mes nuits? C'est stupide et c'est vain, pourtant c'est ainsi. Il arrive parfois au gré d'un chemin de hasard que j'atteigne un endroit où dans ma mémoire, pour un précieux instant, tes pas avaient suivi les miens. Et je me surprends à t'attendre enfin, en vain, comme les autres fois, celle où tu n'es jamais venu, celle où tu vins parfois qui ne sont plus. Il serait ridicule de mendier une heure avec toi, pour qui, avec recul, je n'existe pas. Pourtant, j'ai tout essayé. Pourtant, je me croyais belle. Je me suis déchirée et je me suis heurtée contre un mur sans appel. Je ne suis personne, personne. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu voler tes yeux, emprunter ton regard pour comprendre mieux ce qui t'aurait touché, ce qu'il fallait apprendre à faire pour t'apprivoiser ou pouvoir te plaire, te plaire. Si tu savais ce que j'ai mal, ce que je me sens vide, ce que je me sens rien, quand je m'aperçois que pour toi je ne suis rien. J'ai sûrement tort en tout et toi tu es si différent, mais tu restes partout malgré moi et le temps. Je t'en prie, va-t'en de mes nuits, laisse-moi seule avec ma vie. Toi qui me possèdes, m'obsèdes. Jeter ton numéro pour pouvoir m'enfuir, ne plus sentir la vacuité du profond de mon être que tu as rejeté sans presque le connaître. Si tu savais ce que j'ai mal, ce que je me sens vide, ce que je me sens rien, quand je m'aperçois que pour toi je ne suis rien.